sais pas. On va la faire cette chanson. Mais hey, je prends des risques là. Un peu de sang contaminé et quelques vaches folles égarées. Petit juge se prend pour Zorro, bousillant la vie des gens d'outreau. Manger des pommes change la vie, c'est un président qui me l'a dit. Y'a comme un déficit de vie à vivre en dégueulocratie. Beaucoup se prennent pour des coqs qui n'étaient rien que des chapons. Le cerveau au fond de leur froc, sous prétexte de religion. Chronique d'une merde annoncée, le pouvoir rend fou en vérité. Quand pour gouverner faut des fatwas ou des ordonnances 43. On est souvent seul avec soi, à vivre parmi ces gens-là. C'est toujours la même recette, le monde n'est plus que plaie ouverte. Tout fout le camp des confitures, mais promis craché, je vous le jure. Un peu moins de cons alentour, et je vous fais une chanson d'amour.